rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Niro. C'est Niro, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h avec l'équipe de Street Lourd qui est là, à l'heure, au complet. Bonsoir, ouais. Bonsoir. Moscou, Mistafro, Daddy Corona, bienvenue à vous messieurs. Ouais. Merci Fred. Et on a perdu Niro. Ouais, là, il est là. Ah, Niro, il est là, il est dans les escaliers, il monte. On prend son temps. Hein. Ouais. Prend son temps. Il prend son temps, il y va au calme. Tout va bien? Ça va, superbe. Hein. Ça va, cette journée, bien passée. Au soleil. L'album miraculé dans les bacs depuis lundi. Exactement. Ouais. Et ça marche fort. Donc vous êtes plutôt content. Ouais, on est content de la réaction des gens, on est content de l'accueil. Tout ça. Super fier. Et vous balancez les messages comme d'hab, hashtag Niro sur Skyrock ce soir dans l'émission. Évidemment, on va faire un petit replay dans un instant. On va attendre, je vois Niro qui fait son arrivée. On va l'attendre, on fera aussi. Il est là le photo. Quelle entrée en fanfare. C'est bon, mais s'il fait le tour de tout le studio, on va l'attendre encore pendant une trentaine de minutes. Je disais donc bonjour à tout le monde. Ouais. Ouais, je disais ce soir dans l'émission un petit replay qu'on va écouter dans un instant sur ce qui s'est passé hier. Un quiz Coupe du Monde, qui est fort en foot dans l'équipe? Ouais, on connaît un peu. On connaît un peu. Je sais, fort. Non, rien du tout. Ah ouais. Moi et Mista, on connaît plus que Teddy. Ouais, voilà. Niro, il est comment? Moi aussi, je connais un peu. D'accord, si vous voulez jouer contre l'équipe de Street Lourd, vous envoyez un message au 41759 avec prénom, numéro de téléphone. Il y a 5 questions. Un seul vainqueur, soit l'équipe de Street Lourd, soit vous. Voilà. Donc allez-y, inscription 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Et on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, ça donnait ça l'ambiance. Moi, ce que je respecte dans la musique, en fait, c'est les albums qui sont pleins de doutes, tu vois. Ils sont pleins de doutes, j'aime pas trop les mecs trop sur deux qui, tu vois. Donc on va faire un petit blind test Niro et par téléphone on est avec quelqu'un de Blois. Ouais. Qui s'appelle Nabs. Toi Nabs, tu nous as dit que t'as un collab sur Niro. Moi Niro c'est j'écoute tout le temps. Quatrième extrait. Toutes les matinées sont grasses, toute l'année je suis en week-end. Ah ouais, toutes les matinées sont grasses, toute l'année je suis en week-end. J'ai essayé d'arrêter le rap, ça me donne envie de ken. Me revoilà. Me revoilà dans le game, mon ami. C'est maintenant en live dans l'émission. C'est tout dans la cogite, gros, ça me paraît logique. Coup de marteau dans ton front, tu vas saigner du cochis. C'est le début de ma carrière, la fin de ma trilogie. Rien que ça charbonne à chaque album, il se mange une flugie. Yeah. C'est l'aime à toi qui me connais, à toi qui m'écoute. J'ai pu les condés sur l'écho, toute ma vie est sur écoute. Yeah. Parler avec eux, ça me casse les couilles. La relève est trop loin derrière, pour la voir, faudra me casser le cou. Mesdames et messieurs, le rap va mal, la police va mal, Skyrock va mal, Fred va mal, Teddy Corona va mal. Enfin, je crois pas qu'il va mal. Non. Mais en tout cas, j'ai une petite nouvelle pour vous. Abdoula, on va bien, mon ami DJ Moscou. Mauvais père, mauvais garnement. Nouvel album, nouvel événement. Nouveau virement, nouvel investissement. Nouvel père, nouveau prélèvement. Voilà le petit replay d'hier soir, un petit aperçu de ce qui s'est passé hier soir. Le live, il est toujours sur Skyrock.fm, ça va bien Niro? Pourquoi je m'entends pas là? Parce que tu n'as peut-être pas monté le truc gris juste en face de toi. Exactement mon petit loup, mais faut pas me le baisser mon petit loup. Bah, qu'il est en forme? Alhamdoulilah, et toi? Tout le monde va bien? Ah là, bien, je suis venu équipé. Je vois, qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission Niro? Ça va se passer un truc bizarre, très bizarre. Il y a un clip qui est arrivé, on peut le dire, il y a 2 heures grosso modo. Ouais, voilà, le clip avec Barrington Levy, paix à lui. Donc voilà, réalisé par Monsieur Soso. Davy. Qui est là, Soso, est là, ça va Soso. Bien Ça va, super, merci. Ah là, bien, il a fait le son, il a fait le clip en 3D. Donc voilà, je suis un peu essoufflé parce que... Et bah, tu sais quoi, on va mettre un morceau comme ça, on présente tout le monde après. En firtu. Et, ouais, et on parle du clip qui est arrivé là, il y a quelques minutes. Ah là, bien, le clip avec Barrington Levy sur Sur tous les écrans, un peu partout. Je prends sur moi pour débuter et puis après on vous explique le planning de la soirée avec Niro pour son album Miraculé qui est dans les bacs depuis lundi. Ouais, ouais. Culé dans les bacs. Ouais, ouais. C'est la Mala Dream Team, je vous vois. On est là, y'a fouille. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Et se plonger dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Hey. Comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Miraculé. Zoulou. Le caractère est très fort, mauvais tempérament. Même si souvent je tords, j'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guéris salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemand. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand la remontant. V'là le temps passé en bois, à balourder la jamba. Alourdir mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi, poto pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois, je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont envie, j'ai refusé leur pip. En vrai je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Nous c'est comme face et pile. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. T'es un perceron là où je suis dans Jipichi quoi assez vite. On changera pas la face du monde juste avec des. Mais acculé dans les bois, street lore et dans la maison. Et se plonger dans ouais. On voit même plus passer les saisons. Hey, la submission team est là. Père de famille qui a au cas ouais. Soso est là. Monsieur Teddy Corona est là. Mr. Flozor, DJ Moscou. Miraculeux. Je comptabilise les échecs. J'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires. Je m'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera. J'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai rafalé leur double vitrage. Je passe d'hôtel en hôtel. Transite de ville en ville. Je rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire comme on m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts. Recherchés par Interpol et risque la perpète. Chez nous des crises de rire aux crises de nerfs. Pourtant y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos. Gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans ma suite. De la suite dans les idées. Décidé par la suite ma carrière. Je suis resté fidèle à mes soldats. Je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé seulement parce que je suis fidèle à ma street. J'perds patience comme les reins qui tournent en frein interne. J'prends sur moi, j'attends mon heure, mais ça commence à faire long. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Miraculé dans les bugs, N-I-R-O. Et se plonger dans le vide. Paix à tous ceux qui nous soutiennent. On voit même plus passer les saisons. Dans le réel, on se comprend là. Comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. Je prends sur moi. Eh miraculé dans les bagues. Et à tous ceux qui nous soutiennent. M.I.R.O. La rue pour la rue. Vrai pour de vrai. Street lourd. Et continuez à envoyer vos photos avec l'album. Voilà, vous faites plaisir à la famille. Le morceau s'appelle Je prends sur moi, c'est extrait de l'album Miraculé avec Niro, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. On en était il y a quelques minutes, tu as repris ton souffle donc ça va mieux. Ouais, là bien, voilà. On en était au programme, donc on présentait Soso qui est là, qui a réalisé le dernier clip qui est, voilà, qui est arrivé là il y a deux heures, grosso modo. Ouais, monsieur Soso Davis, cette fois il m'a dit qu'il arrivera à l'heure, donc là aujourd'hui il est à l'heure. Il va vous parler un peu du clip qu'il a réalisé. Live in the ghetto. Parce que c'est pas un clip commun, c'est pas un clip qui. Il y a de l'animation, il y a de l'effet. Exactement, c'est pas un clip que tout le monde peut faire, mais d'accord. Et je pense qu'en France, il est l'un des seuls à avoir la clé de ces clips-là. Alors, on va le laisser parler, monsieur Soso. Soso, déjà, est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de tes œuvres? Pas mal de clips. Débuté avec OGB en 2007, sans rancune. Puis après, on a enchaîné sur 113 et Kerry James avec 947 Barça, qu'on avait fait l'été dernier. Et puis, j'avais aussi travaillé sur Fier de nous avec Niro l'année dernière. Ouais. Qui avait bien tourné, et puis voilà, Niro, Kerry James qui sont les rares artistes qui m'ont donné carte blanche sur des clips pour essayer justement d'apporter un peu plus de choses techniques comme des effets spéciaux. Et donc toi à l'origine t'es plus spécialiste d'effets spéciaux ou plus en réalisateur, en clip? C'est un mélange de trois en fait, parce que j'ai commencé graphiste, puis avec le temps, au fur et à mesure, devenu réalisateur et spécialisé dans les effets spéciaux. Voilà, qu'on t'entende bien. Donc tu disais débuté graphiste et voilà, au fur et à mesure. Monteur, j'ai touché à pas mal de choses techniquement sur les effets spéciaux et puis pour en arriver jusqu'à la réalisation, surtout pour dire des choses. Bon, toi quand tu l'as vu Niro la première fois, le clip fini? Moi la première fois que j'ai vu le clip fini, Je lui dis, là, j'aime pas trop cette scène là. Je suis pas très beau gosse. Non, bien, franchement, je suis grave content. Il m'a fait un clip de fou. Il a pas dormi pendant un mois, le pauvre. On l'a épuisé là. Je pense qu'il va pouvoir se reposer à partir d'aujourd'hui et kiffer le fruit de son travail. Et c'est vrai qu'on sent pas bien. Tous les gens allaient le découvrir. C'est le nouveau Niro featuring Barrington Levy. Live in the ghetto. Voilà. Et justement, c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que nous, on voit les images à chaque fois. Ça paraît simple et tout. C'est combien de boulot? Tiens, par exemple, pour un clip comme Niro, entre le tournage, le montage, les effets spéciaux, combien de temps ça prend? Un mois et demi, deux mois de préparation. Ah ouais. Parce que rien n'est laissé au hasard quand même. Il y a beaucoup de choses à préparer avant pour pouvoir faire tout ça après techniquement. Et voilà. Aussi, je tiens à souligner aussi, c'est que c'est normalement un clip comme ça, quand tu vas voir des boîtes, des sociétés, etc., pour faire des clips en 3D comme ça, ils te font des devis, tu tombes dans les pommes, ça frise le 45 000 euros, 50 000 euros. Donc ça veut dire que là, ça veut dire que là, le cost. Il l'a travaillé. En vrai, ce clip-là, pour moi, c'est comme si on avait payé 50 000 euros pour le faire, alors que il s'est acharné à le faire. Il nous a fait un clip à 50 000 euros, alors que c'est voilà, le budget 500 euros. Ouais, non, 163,80 €. Le tarif minimum de base. Avec les histoires de taxes, tout ça. Voilà. Non, mais bien, franchement, je lui ai laissé les moyens de faire les choses pour qu'il apporte quelque chose. Moi, pour moi, j'estime qu'un mec qui fait des clips, c'est un mec qui doit apporter, qui est au même titre que le mec qui fait la prod, au même titre que le mec qui fait la jaquette. Bah, le mec qui fait des clips, faut que ce soit un artiste, faut qu'il apporte quelque chose. Sinon, il sert à rien s'il fait des clips comme tout le monde. Bon, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu mets aussi en avant, donc tu mets en avant les gens qui ont bossé avec toi sur l'album. Ouais. Que ce soit, voilà, évidemment, l'équipe de Street Lourd qui est là depuis le début. Ouais, qui m'ont pas lâché, que je ne lâcherai pas. Donc voilà, ils sont là, c'est la famille. C'est ça bouge pas. Voilà. Et mettre en avant les gens comme toi, Soso, qui ont réalisé, qui ont fait la partie aussi image. Et c'est important maintenant l'image aussi. Ouais, l'image, c'est quand tu sors un album. Donc c'est beaucoup plus important presque que la musique. Hein, j'ai envie de te dire à l'heure actuelle, hein, les gens ils font beaucoup plus attention à l'image qu'à la musique. Donc voilà, aujourd'hui il faut s'entourer de professionnels. Et Soso, c'est un professionnel. Bon, bah voilà. Dites-nous ce que vous pensez du clip, si vous l'avez maté. 41759, allez-y. Il a dit qu'il avait fait que 9-4-7 Barça, mais c'est un menteur. En vrai, il a fait tous les clips de James. Il a fait Y'a rien, il a fait. Non, je suis très sérieux. Il a fait les plus gros clips de Kerry James. Donc voilà, mes respects à Soso qui est merci, là. Soso, est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent rentrer en contact avec toi, est-ce qu'on peut. Ouais, on peut me retrouver directement sur mon site internet. Donc voilà, www.soh-so.com. Sinon soh-so.com. Voilà, sinon faut taper mon prénom et mon nom sur internet, Stéphane Davy à la base, puisque Soso c'est un pseudo. Voilà. Bon, mais elle le dit pas comme ça. Soso Davy. Gros big up quand même et merci à Street Lourd. Gros mec d'Orly, Soso Davy, faut pas oublier aussi. Voisin de gros mec de chez nous. Merci en tout cas à Street Lourd et Niro de m'avoir fait confiance pour tout le boulot. Et voilà, on continue miraculé. Bah dites-nous ce que vous pensez d'ailleurs du clip. Allez-y, 41759, vous balancez les messages. Est-ce qu'on l'écoute pas d'ailleurs le morceau? Bah pourquoi pas. Est-ce qu'on DJ Moscou pas en vrai, c'est lui. Ah tu veux le balancer de là-bas Moscou? Ouais. Ah oui, nous on a la version album, mais toi c'est. Malik est dans la maison. Bah, vas-y, ouais, on le balance maintenant. Monsieur 2m10 est là. 2m10 est là aussi. J'ai un autre invité qui est là et qu'on va présenter peut-être dans un instant aussi. Et monsieur Willax est là ce soir. Il est là. L'homme de toutes les soirées, l'homme de tous les événements. L'homme qui est présent partout. Il est présent partout, Willax. Incroyable. Matriculé dans les bacs. Miro. J'ai demandé si Miro, si Niro, tu le maîtrises, mais a priori. Miro, moi je suis ivoirien, je vois rien, je suis Miro. Je vais mettre les lunettes par rien, je suis dans mes yeux, c'est mieux. Allez, on balance le morceau et puis on parle avec Willax juste après, qu'elle est aussi ce soir dans l'émission, allez-y. Ouais. Miraculé dans les bacs, le clip est en ligne, allez chercher l'album. Vrai pour de vrai. Barrington Levy, N.I.R.O. Voilà. Paix à tous les quartiers de France, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous supportent. Paix à vous, à vos familles, à vos proches, à vos soldats. N.I.R.O. N.I.R.O. Miraculé. Ghetto, ghetto, ghetto, soldat. C'est là, c'est pour mes rats qui cherchent la célara dans les rythmes d'âge. Calcule pas les jaloux, les radars. Bande de Tahana, la jaille. Indispensable, boss rock. Comme Nasser, Zatana, Paris, ce soir là. T'auras pas fini, gros, mais bon, j't'ai, on va te faire du mal. Pas de cinéma, t'es à l'écurie. Déterminé, t'as les petits bonnes. Sans connaître. on connaît. On est là que pour ça, gros, s'en bat les couilles de la renommée. On vit ghetto, on vit ghetto. On meurt ghetto, on meurt ghetto. On meurt très tôt, on meurt très tôt. Accident de moto, accident d'auto. Rage le crawl dans une plaque de sang, pété à l'os, toi. Réussir dans le hood, c'est rare comme un putain de gagne du loto. Life in the ghetto, it's not easy, not at all. You got to be a soldier or you're really gonna fall. Living in the ghetto, it's a million feet tall. Wesh bam bam, athlète, no brume, H1, 5 sur 5, H, H. Et à tous les frères incarcérés, Peter, Coco, ouais. C'est où, Viva, Gigi. On lâche rien, Zou. On se nous, sale fils de pute. Tous ceux qui paient de la tête au pied. On te fait quitter la ville en plus dans 10 ou 15 piges. Je suis mort ou en retraite, c'est plus sous terre. La vie ça vaut cher, faut la garder secrète en ce qui nous concerne. Parlez-moi de rien si c'est pas du concret. Ok, personne n'est indispensable. On finit par en trouver deux. Et va tourner le dos à la rue. La rue va leur tourner le dos. On marche en troupe, t'as le commando. On ira chez eux pour savoir ce qu'ils veulent. Parle dans mon dos, tu vas chez Bibi. Joinville le pont, Barbus, Amsterdam à Paname, mon vieux. On se reconnaît, le four, le four. Ton enfant, ton arrière-grand-mère. Eh, faut les sous, mon ami. Ouais. Qu'est-ce qu'il prépare pour la gloire? Qu'est-ce qu'il prépare pour la voix? Qu'est-ce qu'il se prépare pour Lyon? Qu'est-ce qu'il ferait pas pour savoir? Miraculé dans les bacs, mon ami. Barrington Levy, wesh la soupe. Life in the ghetto, it's the teasing that's a fall. In the ghetto, it's a million feet tall. Life in the ghetto, it's the teasing that's a fall. Bind the levy. Hey, oh, mon vieux. Many a time, so we don't have a clue. Mais c'est dans la maison. Three, four, what we gonna do? Know that we know that we have to find the food. Find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it, find it. Gros yeux. Ouais, chat, gros yeux. Le 9-4 en personne, ma gueule. Ghetto, it's not easy, not at all. You got to be a soldier or you're really gonna fall. So driving in the ghetto, it's a million feet tall. Got to be a soldier with your back against the wall. Et à tous les quartiers France, L.I.R.O. Et à tous les incarcérés, gardez la foi. Dieu veille sur vous, Inch'Allah. Miraculé dans les bacs. Fight the fight. Voilà, le clip est arrivé aujourd'hui, vous pouvez le mater. Ouais, le clip il est lourd, il est original, c'est du jamais fait dans le rap français. Donc. Dans un instant, avec Soso qui est là qui a réalisé le clip, ouais. L'équipe de Streeto, Willax qui est là aussi, un petit mot sur Willax, Niro. Tu veux dire un petit mot pourquoi il est venu dans ton planète pourquoi rap? Pourquoi il est venu dans mon planète rap? Parce que déjà à la base. Déjà il est ivoirien, déjà il voit rien, je suis comme Terry Corona. Non, parce que j'apprécie ce qu'il fait, voilà, c'est tout, et puis qu'on s'entend bien. Voilà, toi, ça te fait rire la caricature, justement, si on te caricature, si on s'amuse sur. Tant que ça reste dans la limite du respect, comme je vous dis à chaque fois, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. T'as vu, il insulte pas les merdes, ouais. Non, voilà. Je sais pas, je sais pas. Il fait savoir ça. Commence pas parce que. Hein. Donc, alors, Niro, on sait qu'il vient de la sup de Clois, mais Miro vient d'où en fait? Miro, il vient de Boaké. En Côte d'Ivoire, Miro, il mange de la. Non, mais ce qui est grave important, c'est que voilà, Willax, il fait quelque chose d'original. Il a ramené un truc que personne n'avait jamais fait. Donc voilà, mes respects à Willax. On le met bien, il nous met bien. En tout cas, faut vraiment dire que hier, il nous a mis bien. Hier, on a eu un showcase. Hier, il est venu, showcase improvisé. C'était improvisé. Il a mangé les micros. Je te jure, c'est vrai, c'était Darbedo. Darbedo au Vandalust pour la yard partie. Tiens, en parlant de showcase et de concerts, il y a des concerts bientôt, mais enfin faut attendre, bientôt je dis ça, c'est au mois de novembre. Ouais, c'est à la rentrée, mais il faut prendre les places déjà maintenant. les trois dates à retenir en novembre, c'est le 26 à Lyon, le 27 à Marseille, novembre hein, je dis bien, et le 28 à Paris au Bataclan. Ça serait un truc de fou. Ouais, Moscou s'énerve, mais en me faisant signe. Mais les places sont en vente maintenant, allez-y. Les places, elles sont déjà en vente dès maintenant pour ceux qui savent. Dépêchez-vous, parce que c'est vrai que novembre, ça peut paraître loin. Ouais, mais les places, elles vont sauter vite, parce que ça fait longtemps qu'on nous réclame sur Paname. Déjà. Donc, allez-y. Et puis à tous les Khaïs de Marseille qui soutiennent. Ça la Makouja. Dans un instant, on mettra un autre morceau, mais tiens. Chazazza. Ouais, vas-y, quoi. On y va maintenant pour. Je l'avais promis un autre quiz ce soir. Hier, c'était le quiz qui tournait autour de toi. Là, ce soir, on est à J-1 de la Coupe du Monde, début de la Coupe du Monde. Donc un quiz Coupe du Monde, c'est parti. Allez, vas-y. La France est au Brésil. Il le fait. Allô Quentin de Gisors, comment ça va Quentin? Quentin de Gisors, une fois. Deux fois. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Ça va bien Quentin? Ouais, ça va. Je te présente Niro, tu vas affronter Niro dans ce quiz. Quentin, je vais te manger, je vais te monter en l'air. Peut-être équipe de street lourd, peut-être que Willax, Soso peuvent intervenir. Il y a une grosse équipe ici, Quentin. Ouais, moi j'ai une équipe, moi je suis aidé à la base parce que t'as vu les histoires de foot, de crête, tout ça. Je connais pas trop. Péa Issa Sissoko, même toi, on est bien alors. Hein. Première question autour de ce quiz, évidemment basé autour de la Coupe du Monde. Quel est simple celui-ci. Quelle est l'équipe qui a remporté le plus de Coupe du Monde? Italie. Ah, Italie pour toi? Brésil. C'est Brésil. Bah ouais, Brésil. 5 étoiles. Bonne réponse pour Niro et pour Moscou, l'équipe de Street Lourd. C'est 5 étoiles. En effet, 5 titres. T'étais pas prêt, mon vieux. 5 titres remportés par le Brésil. Quel est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde demain? Brésil-Croatie. 2-0. Laisse-le vivre. 2-0. Désolé, trop rapide. Trop vif. Ouais, trop vif. Pour l'instant, 2-0. Tu peux te rattraper. Il reste 3 questions. Tu peux te rattraper, allez. L'équipe du Maroc qui malheureusement ne participe pas à cette. Parle bien du Maroc, cousin. Je vais partir au cul là. Je m'en fous, moi, je suis. Vas-y, quoi, le Maroc, est-ce que je peux finir ma question? Vas-y, allez. Les gens du Maroc perdu. Non, j'ai dit qu'ils ne participent malheureusement pas. Malheureusement, tout ça. Malheureusement pas. Ouais, merci, Quentin. Vas-y. L'équipe du Maroc, donc qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, a participé à combien de phases finales? De phase finale de Coupe du Monde. Ouais. Voilà, je crois jamais. Hein. Jamais. Une. Phase finale de Coupe du Monde. Non, c'est un piège. Non, c'est un piège. Quand tu dis phase finale, je dis 4. Premier tour. Tu vas à la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Phase finale. Donc, une fois. Combien de fois ils ont été à la Coupe du Monde? Combien de fois ils ont été à la Coupe du Monde? Moi, je dis 6 ou 7 fois. 6, 7 fois. Didier Moscou, 4 fois. Moscou, bravo. Ah, bravo. Ouais, mais lui, c'est un mytho, il avait les réponses avant aussi. En 70, en 86, où elle a fait son meilleur parcours jusqu'au 8e de finale. En 94 et 98 également pour le Maroc. Ouais. Exactement. Bon, je vous dirai pas pour l'ensemble des participations combien elle a marqué de buts. On était chaud même contre dessus. Le Brésil, hein, attention. Et dis pas les buts avant qu'on s'embrouille. Bon, il y a toujours 2-0, donc attention. Quatrième question. Pour le moment, quel est le meilleur buteur en phase finale de la Coupe du Monde? Donc pareil. Juste pendant... Fontaine. Mais où t'as les réponses? Laisse tomber. Voilà, En 58, t'étais né? T'étais né en 1958. Didier Moscou, il est dans le Panthéon. Avec donc 13 buts pour Juste Fontaine. Bon, écoute, allez, la dernière pour la route. On va voir, tiens, ça va être la dernière question. Donc si tu as la bonne réponse, Quentin, c'est toi qui remporte le quiz. C'est la super bonne question celle-ci. Voilà, allez, on va te l'offrir ça. En 1930. Hitler a joué au foot dans une équipe. En 1930. C'est Moscou qui répond. L'équipe de France qui se rendait donc en Uruguay pour la Coupe du Monde a mis combien de temps pour s'y rendre? Allez, je vous aide, elle y a été en bateau. Oh là là. 6 jours. Attends, tu m'as dit. Alors attention, c'est en jours. Donc celui qui se rapproche le plus. 5 jours. L'équipe de France pour aller en Uruguay, donc de la France en Uruguay. En bateau. 40 jours. Moi je dirais. Ouais, je sais pas, Christophe Colomb. Moi je dirais 8 jours. Donc 8 jours. Quentin, tu dis quoi? Moi je dis 2 jours, DJ Moscou. Moscou, 2 jours en bateau en 1930. Mais il était né. Il était né en 1930. Donc, et toi, Quentin, j'ai pas entendu, pardon. Moi j'ai dit 9. T'as dit 9 jours. Et après, alors, je après, sais, c'est beau. Je sais pas, ça remonte. Moi, je connais. Donc 9 jours, c'est pas 9 jours, 9 jours. Et toi, Oniro, tu as dit combien? Moi, 8, j'ai dit. Moi, j'ai dit 8. Attends, c'était une petite étape, t'as l'air de jouer. Ouais, je joue juste prix ou quoi? Non, moi, j'ai dit 2 semaines. Moscou était dans le bateau. DJ Moscou, il dit 2 semaines. Non, mais Moscou, c'est Momo qui triche. T'es vraiment. Moscou, il est là ce soir. C'est annulé, Momo. C'était en effet 15 jours, 2 semaines. Le cadeau va à Quentin. Il aura quand même un album dédicacé. Bravo, Quentin. On peut applaudir Quentin, maman. Ou quoi bien, l'album dédicacé miraculé, on te l'envoie, Quentin. C'est tout ça pour. Mais Momo, t'es relou, toi. Non, non, il m'a dit que sur la. Mais non, il t'a dit toutes les questions. Je le vois, il est là derrière moi, il fait des gestes. Ouais, c'est vrai, il triche. Hein. Je sais pas. Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il t'aide comme ça. Ouais, il a regardé la feuille. Bon, merci à toi, Quentin. Merci, bonne soirée. On t'envoie l'album Niro miraculé qui est dans les bacs depuis lundi. Bon courage, Quentin, et va te le procurer même si on te l'offre. Et on va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau dans quelques minutes? Viva Street. Ouais. Ah. Le morceau interdit. Oui, là, ça va, Viva Street. Le morceau tout permis. Non, hier il a joué ça lourd. Ouais. C'était très lourd. Et hier en fait, Willax il mixait dans une soirée en plein air, comme je disais tout à l'heure. Et je savais même pas qui mixait d'ailleurs. Et toi, tu t'es pointé comme ça? Moi, je me suis pointé. Comme ça. Non, je me suis pas invité. C'est lui qui m'a invité. Il t'a dit, tiens, passe. Ouais, voilà, il m'a dit, passe, je suis passé. Et puis c'était bon délire. Il y avait des gens, tu connais ça. En plus, c'est archi pas mon public là-bas. C'est plutôt hype, tout ça, tu vois. C'est tellement ton public. Bah, Willax, il est que dans les trucs hype. Hein. Ouais, c'est un mec de la hype. C'est un mec branché de la capitale. Mais et au final on a fait un petit showcase et c'était violent. Voilà. Yes. Grosse dédicace à Yard, Samy la famille, tout le monde était là. Grosse dédicace à Samy la famille. Et bien dans un instant on écoutera le Viva Street, ne bougez pas, on revient après la pub sur Skyrock. C'est Niro, notre invité toute la semaine, il est là. Comme toi, Niro a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ouais. Hey, tu me dois du blé, toi? Et toi, tu me dois du blé pour enfoiré? N.I.R.O. C'est pas mon blé. Miraculé dans les bacs, Zoulou. Ouais. 90€ la boîte. Viva Street. Bon pour la psychiatrie, trop temps passé dans la piraterie. Je suis déclassé, y'a plus rien qui m'attriste. Y'a que la hagra qui est fédératrice. À part quelques vrais que je respecte. J'ai tous ces fils depuis dans leur matrice. Le temps est passé depuis l'époque où je faisais des faux chèques en bas pour acheter mes habits. Aujourd'hui ces salopes font là que sont prêtes à faire des combats pour venir sucer ma pute. Quelle ironie, y'a 10 piles. Cette pute faisait la belle devant nous. Un dédicace au maire de Fleury Mérogis. Qu'elle en a des croûtes sur les joues. Je parle de grosses sommes, consomme que mes culs de leur cendrier. C'est chelou, t'es pas une cochonne. Mes taches n'est qu'un pull sanglier. Quelle ironie, des barres de rire. Ils sont à fond d'or, vraiment mignons. Quelques clips, ils sont contents. On dirait qu'ils ont pété le million. Mais ils se rendent pas compte en vrai que des attractions de la honte en secret. J'aimerais bien leur donner le pouvoir, juste pour voir ce qu'ils en font après. On est devenu ce qu'on voulait pas être. À force de miser sur le poids-être, les vrais disparaissent. On a pas la maladresse de s'allonger comme énorme maladresse de Rafael. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Miraculé. C'est chaud ma gueule. 2014 on prend les rênes. C'est chaud ma gueule. Rivalisé un sort. Chaud ma gueule. Miraculé dans les bottes. Qui va si. Qui va si. 90 heures la boîte. Qui va si. Ouais chef faut dire. Qui va si. Le producteur de Viva Street est là dans la maison. J'aurais passé des semaines dans le désert à parler de leur somme sans réserve. Quand j'arrive, ils me regardent chelou. On dirait que je baisse leur soeur pendant des heures. Y'a ta sale pute qui arrête pas de m'appeler. Les rappeurs à l'état spé veulent m'attraper. Même si tu m'aimes pas, tu cliques quand même. J'ai plus d'ennemis que fif de bouse qu'un père. Faut voir ce que la réussite te ramène. Que tes ennemis sur la vie de ma mère. T'auras beau chanter la rue, mais la rue c'est pas ta mère. Toi, ce que t'auras, ça dépend ce que t'amènes. Ta bouche me parle, mais ton cœur me ment. J'arrive plus à faire de discernement. Y'a que les enfants qui sont innocents. Quand j'y pense, mon petit frère me moque. Jamais distance pour rester constant. Ils m'envient tous mon acharnement. On les respecte plus depuis longtemps. Comme les clowns du gouvernement. Ma folie, je suis pas responsable. L'ancien mari de ma daronne a coupé une jambe. Et miraculé dans les bras de Zoulou. beaucoup les sur. Va chercher, voilà. Faut passer ton état. La folie des gens. Nous on s'en bat les couilles. Je t'as les gens. Je te la répète. Y'a qu'un PD qui cherchera à savoir ce que t'as entre les gens. L'avenir est dans la broyeuse. Broyeuse. Ta voix est trop racailleuse. Cailleuse. Si je te raconte toute ma vie, la tienne va pas être beaucoup plus joyeuse. Oui. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Miraculé, c'est chaud ma gueule. 2014 on prend les haines, c'est chaud ma gueule. Rivalisé à ça, chaud ma gueule. Viva Street, Viva Street, Viva Street. 90 euros la boîte. Viva Street, la rap game c'est de la baisse. Viva Street, 90 euros la boîte. Viva Street. Viva Street, miraculé dans les bacs Zoulou. Thérapie à la prod. C'est extrait, extrait de l'album Miraculé qui est dans les bacs depuis, depuis lundi avec Niro, notre invité entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avec Willax qui est là aussi. Willax est dans la maison aussi. Ou devrais-je dire Miro. D'ailleurs, je tiens, j'ai une petite info. Alors, s'il vous plaît. Commencez pas à crier, s'il vous plaît, les frères. Donc, j'ai une petite info. À l'occasion de la sortie de Miraculé, on vous offre la compilation Street Lore 1 pour toute commande sur niro-streetlore.com avec le code promo Miraculé. Voilà, tous voilà, ceux qui cherchent des niro-streetlore.com pour tous ceux qui cherchent des t-shirts, des merchandising, du merchandising à chaque fois, qui nous appellent, qui nous demandent où on peut se procurer. Allez, les direct. T-shirts. Allez direct sur le site niro-streetlour.com avec le code promo Miraculé et on vous offre la compilation Street Lour 1 qui est un classé du rap français. Voilà. Bah terrible. Voilà. Une bonne petite affaire que tu viens nous annoncer à l'instant. Exactement. Niro, c'est bien, c'est le. On vous met bien, on vous met bien. Le club des affaires ce soir. Ouais, toujours. Voilà, toujours. Faites péter les commandes, j'ai envie de dire. Voilà. Bienvenue à Casablanco. Voilà, bienvenue à Casablanco. Allez cliquer. Et là, je vous présente Mounir d'Aiguillon. Salut Mounir. Bonsoir frère, ça va ou quoi? Ça va et toi Mounir? Ça va, merci. Ouais, Nirmou, ça va ou quoi, mon sou? Ouais, c'est Niro, ça m'aïkoum, ça va l'album. Wa salam, arhamatullah, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, la hafdek. La hafdek, mon pote, amin. Willax, une traduction peut-être? Bravo pour ce que tu as fait pour nous. Voilà. Ouais, il demande si ça va. Oui, mais. C'est exactement ça. C'est que Dieu te bénisse, mon frère. C'était un petit clin d'œil, c'était. Ouais, là bien, on se comprend. Okay. C'est le code de la rue. Mounir. Oui. Est-ce que tu as l'album d'ailleurs, Miraculé, toi? Non, pas encore, je peux le temps d'aller chercher, je pense. Mais tu as entendu la super affaire, la super promo là qui vient de tomber à l'instant? J'ai entendu à l'instant, ouais. À l'instant, tu vas sur le site streetlour-niro, c'est ça? Niro-streetlour.com. Ça marche, j'irai. Inch'Allah, Niro. Ouad t-shirt acheté, ouad album et t-shirt offert. Ça marche, Kazaoui, ça marche, Kazaoui. Merci. Willax est avec nous ce soir. Bon, Mounir, on t'écoute rapper, c'est parti, session freestyle par téléphone. Trop vrai, dans la vie comme dans ce que je fais, je suis pas un saint, mais je me dois d'être simple, indompté, indomptable, respecté, respectable. C'est ma mère qui m'a mis au monde, c'est Dieu qui m'a donné la vie. Le rap a fait de moi Don Vito et la rue a fait de moi un homme des cavernes. Il faut que ma voix résonne dans ta caisse, dans ta tête, voire dans ta zone. Grâce à Dieu, mon avocat m'évite la tôle, frérot. Y'a beaucoup plus de rageux que de rageux. 190. Je viens de là où Chama a fait ses premiers pas en attaque. J'ai tellement fait le con que je sais pas par où commencer. Achiche monnaie, tu manques, mais toi j'en veux plus. Avec tout tu vois rien, avec rien tu vois tout. Bienvenue dans la réalité, c'est l'impact VIP zone. Trop tôt tu la vis, rends la ville malade. Bienvenue dans le 190, là où y'a ni roi ni reine. Réciproque, c'est ce que dit la daronne. Rien à foutre des gens et de leur ken. N'ai pas gratté l'amitié, la française des jeux m'a déjà dépouillé. On vit dans un monde où la pratique du mal emporte sur le bien. Rien de vrai dans ce pas monde. Présente-moi la mère à l'état. Je ferai un gosse, je l'appellerai révolutionnaire. Je rends hommage aux frères qui sont partis. Sans avoir fini leur vie, ça c'est pour les frères qui sont enfermés. Y'a ceux qui tapent des pompes et d'autres pètent les flancs. Y'a ceux qui font la victime et d'autres se mettent dans le jean. Ça squatte là où prévu mortel et gluant. Ça bosse du jour comme de nuit. Y'a guerre d'humour dans nos vies. Y'a pas de fils à papa dans mon entourage. Ou des vrais gars ou des fous, pareil à tout niquer comme moi émissé. Les vrais gars sont là en période de crise et de guerre. On a toujours fait avec le minimum, mais on veut le maximum. C'est pour ça qu'il y a un niveau optimum. 190 mots district représente Maroc, Algérie, Tunisie, Maroc, Fès, ouais. Ok, Mounir à l'instant d'aiguillon. Merci à toi, Mounir. Merci à vous, je peux passer une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute. N'oublie pas la Côte d'Ivoire. N'oublie pas la gorge. Ah, toute l'Afrique, toute la planète entière, on est tous frères et sœurs, on a tous bras, deux jambes, une tête, ça dépend comment ça marche à l'intérieur. Ouais, voilà, petite dédicace à tout le monde qui m'ont reconnu. Voilà, c'est Mounir Erkaina, 9ème freestyle sur Skyrock. Merci Fred, merci Skyrock. Dédicace à Aïda, même si elle travaille plus là-bas, Niro, Léaoun, Zemmour. Mon frérot, Amine. Ouais, c'est le derby, t'es de Casa, moi je suis de Fès, frérot. Ah, moi je suis pas de Casa, mon pote, je suis de Tlatras, Klarba, je suis du Gharb, mon pote. Ah, ouais, c'est la même chose. T'es de Casa, c'est pas vrai, on est tous. T'es de Fès, t'inquiète pas, on connaît, frérot, mon fleuri là-bas, les Tézis. Du salam à tous les Tézis. Merci à toi Mounir en tout cas. Ouais, merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock entre 20 et 21. On écoute le morceau La mort au Chichi. Ouais. Je sais pas, DJ Mosco, il en dit quoi? Il est chaud DJ Mosco ou pas? C'est toi qui balance Mosco ou c'est nous? Ah non, c'est nous. Ouais, voilà, c'est le morceau avec Caris, un des morceaux qui arrivait voilà, par là. Le morceau avec Caris, grand salam à Caris. Inch'Allah, on va essayer de vous l'emmener dans la semaine. Je vous dirai pas quand, c'est une surprise, Inch'Allah. On dit rien. Sinon, il y a Caress qui est avec moi. Il y a Caress là qui est avec moi. Cric, cric, cric, cric. Grand salam à Caris, grand salam à Le morceau est très miraculé maintenant sur Skyrock. Mais le son à fond. Miraculeux, miraculeux. Street. Louis. La mort. Ouchichi. Et à Bizer. Ouchichi. Street Loser. Roulez. Âme personnelle, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Appelle le 18, appelle le 17. Rappé comme ça, c'est vite. Chant ma beat comme chant ma mixte. La drogue a fait des ravages. Chant nos terrains vagues, l'autre hyper abasse sa dette. Il nous faut sa tête sur une terrasse brave quand le air passe. Joue pas les gangsters, rap le mec en place. Enfin ça devient un boss. Comme les grosses, va pas à ton papa. Quand on arrivera, tu nous verras pas. J'ai changé de puce, fils de pute. Tu pourras tous nous mettre sur les couilles. Garde la pêche, avale le noyau. Meurs sur le coup. J'tire pas sur eux, j'leur mets des cloques. Y'a que pour l'oseille que j'me déplace. Moi j'leur parle de faire du cash. Eux ils m'parlent de faire des cloques. N.I.R. Y'a deux ans. Tu l'attendais, maintenant tu l'as. Toi t'es musclé, machallah. Mon armée comme le Hezbollah. On veut la beuh, l'argent de la beuh. Nique sa grand-mère à la crémière. Si je te vends la chatte en deux, quelle lèvre va tomber la première. Oui, âme personnelle, c'est que du business. Âme personnelle, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Âme personnelle, c'est que du business. Oui, miraculé, la Maru Tchitchi, un BLO, Sevran, Rougemont, et à tous les quartiers de France. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Oui. Lève le troisième doigt pour les juges de prod et les forces de l'ordre. Caris, si j'ouvre la bouche, sera seulement pour vous mordre. 2-7-0, rien d'autre à foutre. C'est vous qui sont en lutte. C'est pas encore le jour de l'an. Ils ont déjà la fouf qui sont en lutte. Un arc-en-ciel de billets aux couleurs bariolées. J'arrive pas à allumer ma copère, j'suis en cabriolet. Moi je sais pas faire semblant parce que je suis un vrai négro. Si je retire mon masque, je vais m'arracher la peau. T'as la chèque sous le legging. Ouais. J'ai les pecs sous le gilet. Ouais. Les épaules telles un viking. Ouais. Et la gaule telle un mulet. Ouais. Je veux des pains dans le jacuzzi. 5,65 dans le magasin du midi. Trouve-moi un repère des racailles. Si je veux boire, ne me fais pas la paille. La Hagra, paye si t'es un logo. Tu nous connais, Michelin, Sus. Ce sont des robots siliconés. J'serai dans le VIP Sista. Bouteille de siroc fraîche dans le seau. Boîte et télécrochon de Chita. A la crèche du zoo. 5 sur 5 la famille. Roulup. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Et un père tout m'écrit je ne fais un personnel c'est que du business. Roulup. La main au Chichi. La mort au Chichi. Et à perdre tous les failles de BLO. Kennedy, de Delo, Beach, Gucci. On est là, ça bouge pas, y'a rien. Roulez. Dans la famille d'Oki. Les Delo, Beach. Nos équipes, on vous oublie pas. Nos frères reconnaissent, frère. Bouge B. Moi t'es qui, j'te reconnais pas. Causeur. On a dépassé trop long. Pierrot. On a dépassé trop long. Oki. Boum. Joe. Un personnel c'est que du business. Garde la foi les chers. Un personnel c'est que du business. 17-0. Y'a un culé dans les bacs, Zoulou. N-I-R-O. Thérapie 4124. B-L-O-I-S. Mario. Street lourd. Wesh à bout. Wesh à Coro. Wesh à Chinois. On est le boss. On est là, ça bouge pas la famille. La mort au Chichi. La mort au Chichi. À l'instant, c'est extrait de l'album Miraculé. Fred, la mort au Chichi. Vous attendez dans la roulette. Ouais, mais sérieux, Fred. La quoi mort au Chichi. Ouais, quoi qu'il se passe, Chichi. La vraie. La vraie, pour de vrai. Willax, la mort au Chichi. Ah, moi, Chichi, j'aime trop ça. Merde. Lui, il fait partie de la tribu qui est derrière lui. C'est pour ça qu'il veut Chichi. J'envoie. Il envoie seulement. Écoute, toi, Subir, châtiment exemplaire. Je vais me joindre à Willax, hein, si vous m'en voulez pas. Ah, tu veux Chichi toi aussi? Chichi pour moi aussi. C'est pas le même Chichi. C'est le Street Lourd, c'est la mort, cousin. ouais, cousin. Chichi, que vous traduisez comment d'ailleurs? Chichi, bah, si tu veux vulgairement ou. Oui, bah oui. Proprement, sodomie. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Vulgairement, enculerie. Voilà. Voilà. C'est ce que je pensais donc. Côté face. Ouais, pile, voilà. Côté pile. Ouais, enfin, la moupe pas les fesses, quoi. Ouais, voilà, quoi. Voilà. Donc, la mort au Chichi qu'on écoutait à l'instant avec Caris présent sur l'album aussi miraculé. Willax, il respecte rien. Non, doucement. C'est des mots du vocabulaire. Tiens, Willax, ouais. Est-ce que Miro peut rapper ou pas? Parce que là, on est parti pour la session freestyle. Ah bon? Voilà un rap de Miro. Qui commence? Miro ou Miro? Bon, attends, parce que faut qu'on s'arrange, moi et Moscou maintenant. On fait quel morceau, Moscou? Ah, faut que tu te retournes. Je pensais que l'émission avait été préparée en amont, en fait. On l'a préparée, mais on a tellement de bons morceaux, on hésite à envoyer. Ton DJ aussi, DJ Moscou. DJ Moscou, le va Vladimir Poutine. Maintenant, il met du gel, tout ça. Ouais, DJ présidentiel. Fred, écoute, je vais en profiter, hein, comme d'hab, moi, tu me connais. Hein. Bon, vas-y, on va vous faire Totoroni. Attends, frérot. On va parler français avec l'accent. Attends, frérot. Écoute, je vais en profiter pour passer une petite dédicace avec des gens avec qui on travaille, tu vois, des opticiens. Maclouf! Des mecs d'abord, sérieux. Je veux passer une dédicace à Maclouf, on l'oublie tout le temps, Maclouf. On l'oublie pas, voilà. T'es le meilleur, Maclouf, on t'aime. Avec on t'aime toi, trop. Mais sinon, grosse dédicace à Julien, J3 Optical, tu nous mets bien. Ah bah là, il te met bien. Je vois qu'il te met bien, parce que on travaille ensemble, on a des intérêts, tu sais. Ouais, donc on a une grosse pensée pour lui, quoi. Donc allez sur son Instagram, J3 Optical. Grosse pensée à toi, je viendrai te voir demain au magasin pour récupérer mon chèque. Et puis voilà, donc allez voir son Facebook, Instagram, je répète, J3 Optical. Attends, c'est lui qui met les. Non, grosse dédicace à mon frérot Manuquet, grosse dédicace à grosse dédicace. Voilà, frérot, grosse dédicace à Manuquet. Gros bisous, frérot. Allez, c'est parti pour le live maintenant, Moscou, balance-nous ça. Moscou. Vas-y, t'inquiète. Tassez-vous, les frères et sœurs, s'il vous plaît. Moscou, quand tu veux, tu peux y aller, c'est parti. On y va pour le live. Continuez à envoyer vos messages, les ressources Skyrock, on vous voit à Paul, c'est Toto Roni dans la maison, miraculé. Toto Roni. Ouais. Miraculé. Ouais. Paix à la concurrence, mon ami. Toujours la même. Zoulou, déterminé. Ouais. Rien. Moscou, j'ai pas subi. Remets-moi la prod, s'il te plaît, excuse-moi. Pull up. Mais en vrai, j'ai pas des bons retours dans le casque. Mon ami. C'est là que je montre ça. Mets de la lumière dans le casque, s'il te plaît. Pull up, moi ça. DJ Moscou. Street lourd. Street lourd. Miraculé. Street lourd. Miraculé. Street lourd. Miraculé. Miracle Toto Roni dans les bottes, mon ami. Roulez. Toujours la même. Ouais. Déterminé. Faut que la concurrence raye. Ouais. Ah. Si je te rends service, pas pour le crier sur les toits. Si je marche avec toi, c'est pas pour parler derrière toi. C'est mon casse-bélier pour la dernière fois. J'attaque les piliers, tacle les ailiers comme un arrière-droit. Pas d'album dans les boîtes, nouvelle génération. Nouvelle pénétration en exclus sur génération. Habitué ça au pipe pendant l'interpellation. Je croise un tas de groupies de rappeurs, je refuse un tas de fellations. J'arrive à l'hôtel sans ma réservation. Embrouille avec le personnel, les sommes sont déjà en location. J'arrache nos moods quand j'en ai l'occasion. Parle pas aux agents de la paix, y'a que les tasse-pays qui font la provocation. Tu me parles de Rion, t'as pas rencardé. J'suis de plus écouté que plus à respecter, que plus détesté que dans leur quartier. Vu qu'ils racontent que de la merde, ils méritent une fois toi. Hausse la voix aujourd'hui, j'viendrai baisser le volume à toi. Joue pas les gangsters, wallah tu fais pas le poids. J'avais des barrettes dans mes couilles, les tiennes avaient même pas de poils. Mon nouveau cri de guerre, ce qui est à toi est à toi. Si c'était pas aussi haram, je m'en serais fait un tatouage. Parle pas sur mes grossistes, grosse part dans ton cochon. Si t'as pas les couronnes, à quoi ça sert d'avoir un gros chiffre? Si je vais taffer à l'usine, je me sentirais fautif. Être honnête, ça amène la paix, mais pas le tentation. Ressemble à mes fréquentations. J'fous la merde dans le game, au star dans la rue, sur scène, dans la cour de récréation. Pour du sombrero, j'fais pas auberge, j'aurais pas de rôle. Pour avoir NIRO, c'est minimum 7000 euros. Chaque fois que j'sors de mon quartier, j'rentabilise toutes mes heures de galère. Rap, hardcore et réalise. Fuck Pythagore et Thalès. Miraculé dans les bacs, Totoroni, miraculé, Totoroni, miraculé, Totoroni, miraculé, Riero, miraculé, Ritlo, miraculé, miraculé, miraculé, c'est chaud ma gueule. Eh, c'est chaud, ouais. Ma gueule. Joinville, les vérités sont sorties. Orly, choisi Vitry. Orly, choisi Vitry. Mosco, Mosco, tu peux juste remettre un peu l'instru pour Willax, qu'on entende Monsieur Miro maintenant. Parce que là on est une Miro maintenant, Monsieur Miro. Eh gros, j'ai pas mes lunettes, hein, je suis Miro. Ok, ok, moi c'est Miro de Casablanca. Ok. DJ Moscou, Miro est dans la maison. Il est toujours là, le Street Louche. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Ok. Eddie Coronès, il est là, toujours là, lunettes fumées, il est là, posé. Ok, ok. Moi c'est Niro, Casablanca, tu y vois rien, et j'y vois rien. L'embraille, what I be like, tu parles l'embraille, what I be like. Même soleil, même sans soleil, petit beba comme un best bar. Petit béret, comme Charles Trenet, tu veux ta meuf, c'est une traînée. Paraplégique, patachem, paraplégique. Matachem, miraculé, matachem, top logique, matachem. Y'a rien, gros. Voilà, y'a plus que certains rappeurs carrément. On est venu en famille ici. Y'a Mist Aplo, il est toujours là posé en plomb, il parle pas, il est là posé. Fred Musée, c'est le Drucker ici. C'est Michel Drucker dans le rap français. Toujours là, Panthéon. Grosse dédicace, DJ Moscou, merci beaucoup. À l'instant live, on peut faire du bruit pour Miro également. Willax, il respecte rien. Putain. On va te niquer Willax. Mist Aplo, Teddy Coronès. C'est beau, c'est beau, DJ Moscou. Ah, je vais te contrôler. Attends, je veux couper parce qu'il y a une image là, les chocs. Je sais pas c'est qui le fout. Ah, c'est la mort au Chichi. Ah, là, c'est hardcore. Oh là là. Ah, ouais, c'est horrible. Allez, hop. C'est vrai, c'est horrible. Hop, virons cette photo. Hop, ça y est, fini cette photo. Voilà, grand merci à Willax d'être venu ce soir. Merci à Willax d'être venu ce soir. Merci à Willax. Merci à toi déjà, c'est vraiment. Merci à Willax. Avec Soso qui était là, qui a réalisé le clip. Pour Soso pas qui a réalisé le clip que vous pouvez aller mater dès maintenant. Niro, Fit Barrington Levy sur tous les sites rap spécialisés, professionnels. Voilà. Et sur YouTube aussi, sur la chaîne Vevo. Et on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Allo Héloïse de Plouernel. Ça va bien, oui, Héloïse? C'est moi, très bien, très bien, très bien. En pleine forme? La forme, toujours. Eh ben écoute, bienvenue dans Planète Rap de Niro. On y va, on fait tourner dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette va s'arrêter, Héloïse, pour toi sur la case. C'est le concert de Black M. Deux places pour aller voir Black M. C'est pour toi, Héloïse. Ah bah nickel, merci beaucoup. Et bon, tu fais plein de bisous, passe une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, ma copine. Ou pas, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, Héloïse, vas-y. Alors, vas-y. Je fais une petite dédicace à tous les polos jeunes d'Estival, les 18 pas du cul et tous ceux qui sont rattrapage. Ça roule. À la bien. Ciao Héloïse, bisous, bonne soirée. Ciao ciao. Merci Niro. Merci à toi Fred, j'ai quelques dédicaces à faire vas-y, au placard. Vas-y. Je vais vous présenter un monsieur. Ah ben monsieur Grosyeux. Il s'appelle Grosyeux, que tu connais de toute façon. Il a quelques petites dédicaces plus à faire au placard. Plus besoin de présenter Grosyeux. Plus besoin de le présenter. Grosyeux. Ça va Grosyeux. Ah Fred, ça fait zizir de te voir. À l'ancienne, t'as vu. Ouais, à l'ancienne, ça comme fait d'hab. Plus de 10-15 ans que qu'on voit les anciens comme Mista, Poto, Teddy. Et il en manque, hein. Il y a Ali, il va peut-être te venir, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Des mots qui sont passés. Ben, on va dire, je voulais faire des petites dédicaces à tous nos amis vas-y, de la fortune, hein, ceux qui sont en prison surtout. Rapproche-toi voilà. Juste bien du micro. Gros yeux, content. Gros yeux du 9-4. Faucine qui a vu le peintre avec Hichem, yeux bleus. Et Afren surtout avec Osni. Ouais. Osni, notre ami de route. Osni, on est avec toi, t'inquiète pas, gros. Jusqu'à la mort. Mafia Kinfri, toi-même tu sais, hein. Mafia Kinfri. Gros, toi-même tu sais, on sait que tu sors ce matin du mitard. Ça fait chaud au cœur, t'as vu. Force. Mais t'inquiète pas, gros, la force elle avait. T'es un homme d'honneur, t'es un grand monsieur. C'est la mafia Kinfri. Même Kerry James, tout ça, ils sont derrière toi. Je paye à Kerry James. Aussi. À tout le monde. Même Niro, il est là. Ouais. À Jacques Cartier aussi, à tout le monde. Ouais. À Jacques Cartier, choisi Orly. Évidemment. Ah, tous nos amis aussi de rappeurs. Dans les mecs aussi du 78, de 94, on va dire spécialement, là, comment il s'appelle là. Une petite dédicace à Las Montana. Allah, L.A.S. Allah, Ahmou. Voilà. À son âme. À Mamad. Mamad. Et à tous les chèques, on disparaît. Voilà. On en a beaucoup, Allah. Voilà. À tous les chèques de BLO morts. Eh ben merci d'être passé, gros yeux. C'est gentil. Ouais, yeah. En tout cas, il y a aussi Maximilien qui a fleuri mes registres. Il y a aussi Claudio qui est en prison. Le frère Nino Antonio Ferreira. Grosse dédicace à eux. Grosse dédicace à tous les grands prisonniers de. C'est la rue pour de vrai, là, frère. Et à voilà. Tous ceux que j'ai oubliés. Merci infiniment, Fred et Teddy. Et... merci, Niro. Merci à toi, gros yeux. Merci à gros yeux. Grand grand bonhomme du 9-4 gros. Qui vient souvent nous rendre visite et qui fait plaisir. Ouais. Ah ouais, vive la mafia Kinfri mon frère, Inch'Allah. Merci Niro pour cette soirée. 41-000. Merci à toute l'équipe de Street Lourd, à Willax qui était là ce soir. Willax est là. Et un père tous les rayons. Djibril d'Alfortville, mon ami Djibril. Ah bah Djibril d'Alfortville. Djibril. Ah Djibril. Merci Niro demain. Un père tous les rayons de retour. Merci à toi Fred, Inch'Allah. Et j'invite encore une fois tous les frères et sœurs à aller chercher l'album. À Sophie Osmani aussi. Yes. Gros yeux, il est parti. Gros yeux, j'en oublie, il y en a Tu reviendras demain, gros yeux. Je reviens demain, on refait une liste encore. Enfin, une session dédicace. Merci à toi, Youssef. Après-demain. Et ton album, il est super classe, je l'ai écouté. Merci, frère. Surtout, Titiou la mort. Parce qu'il est dans le clip. Il est dans le clip. Il est dans le clip, c'est ce que j'allais dire, il est dans le clip. Le clip, il est attaché avec l'un. Merci à vous tous, on va retrouver Difool maintenant qui est là. Ouais. Ouais. Comment ça va, Difool, attends, j'ai juste un dernier mot à dire, merci s'il vous plaît. Vas-y, Niro. Voilà. Vas-y, vas-y. Bonjour, attends deux minutes, frérot. Vas-y. J'invite tous les frères et sœurs à aller chercher l'album. C'est cette semaine, c'est maintenant ou jamais. L'union fait la force, je vous le répète encore une fois. Miraculé, il est dans les bacs, allez le chercher. Matricule. Avec plaisir, c'était pour de vrai, voilà. Et puis vous l'écoutez demain aussi. Ah bah ouais, ouais. Tous les frères incarcérés. Demain dans Planète Rap. Et demain de retour. À retrouver juste avant 20h. Planète Rap ouais. Et nous on va aller faire un petit tour au Brésil ce soir. Du coup là, on va venir chez toi là, on va tout casser. Attends. On va toucher du poule. Nous aussi on va tout casser toute la soirée. On arrive, on arrive. En direct tout au long de la soirée, direction le Brésil dans un instant. Vous tous de toute la France, vous nous appelez. On va pas venir. Radio mondiale. Ouais, nous prend pas sérieux, mais tu vas voir, c'est pas très loin. Je suis avec un chumiro, mais t'inquiète pas. A tout de suite, Niro alors. Niro demain. Le retour, 20h, 21h, on arrive, Radio Libre, c'est parti. Ciao. Envie de mater la Coupe du Monde 2014 avec un nouvel écran.